Chapitre 3. Le tour de l'Allemagne. Un mois se passa sans qu'on entendît parler des bandits mystérieux. L'Italie pansa ses blessures et Paris reçut et fêta un Raja qui faisait son tour d'Europe. Ce souverain, descendu avec une suite nombreuse dans un palace, traînait derrière lui toute la magie de l'Inde, comme il semblait aussi en posséder toutes les richesses. Il fut bientôt la coqueluche de Paris, qui oublia un peu, grâce à lui, les transes par lesquelles il venait de passer. Ce Raja fastueux, aux vêtements splendides, avait un sourire aimable et des yeux cruels. D'ailleurs, il était beau. Il s'appelait Tokra d'Asie pâle. Escander avait demandé à entretenir les lecteurs du monde des faits et gestes de ce potentat. Cela, avait-il dit, le reposerait des horreurs qu'il venait de voir en Italie. Le jour même où Tokra d'Asie pâle devait assister à une revue sur le terrain de Longchamp, tomba sur Paris comme un coup de foudre la nouvelle que l'Allemagne, elle aussi, venait d'être rançonnée. Von Herbert, président du Reich, convoqua immédiatement le Conseil des ministres, lequel arrêta que, sans attendre d'autres sommations, l'Allemagne consentait à entrer en pourparler avec les maîtres du feu et du froid. Un marconigramme rédigé dans ce sens fut lancé aux quatre points cardinaux. Escander, de mauvaise humeur, dut boucler sa valise et prendre le chemin de Berlin. Ce qui l'irritait, c'était que, selon lui, l'Allemagne ne faisant pas d'opposition, les choses se passeraient très gentiment et que sa présence sur les bords de la Spree était parfaitement inutile. Ce en quoi il se trompait lourdement. L'Allemagne fut déçue dans ses espérances, et cela par suite d'un petit fait. Le marconigramme ne fut pas capté par les Rajisrak, grâce à l'imbécilité de l'employé chargé de le transmettre. Celui-ci n'employa que de petites ondes au lieu d'utiliser celles de la plus grande puissance. Le lendemain, Von Herbert reçut un second message, lui donnant impérativement l'ordre de se rendre le soir même à 18h30 à Stettin sur l'Oder. Le message se terminait par ces mots « Notre présence vous sera révélée ». Devant cette énigmatique communication, le président du Reich, croyant que les Rajisrak étaient en possession du consentement de l'Allemagne, décida qu'il irait à ce rendez-vous. À 18h30, alors que le président et un ministre, arrivés incognito, attendaient à l'hôtel de ville les événements, ceux-ci se manifestèrent d'une façon tout à fait imprévue. La terre fut comme secouée d'une sorte de frisson interne qui fit chanceler les édifices sur leur base. Ce premier phénomène dura le temps qu'un éclair mette à briller. Puis une explosion formidable se produisit. Une gerbe de feu immense, couronnée d'un panache de fumée noire, s'éleva vers le ciel, où, quelques minutes auparavant, une sorte de nuage étrange avait été remarqué. Le déplacement d'air fut si prodigieusement puissant que toutes les vitres des fenêtres de toutes les maisons volèrent en éclats. Le président et son ministre furent lancés dans le fond du salon qu'ils occupaient. Des fragments de pierre tombèrent partout, faisant des victimes, puis l'explosion première fut suivie de plusieurs autres. Tous les grands bâtiments des usines où se fabriquaient clandestinement des armes et des munitions sautèrent les uns après les autres. Cela dépassait tout ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. Le deuil et la consternation enveloppèrent la ville. Heureusement, l'explosion avait eu lieu après l'heure où les ouvriers quittent le travail. On n'en compta pas moins un millier de victimes, tant parmi le personnel des usines que parmi les passants des rues. En hâte, le président et le ministre revinrent à Berlin après avoir visité les lieux du sinistre. Un tremblement de terre n'aurait pas fait pire besogne. De l'enquête rapide qu'ils ouvrirent eux-mêmes, ils ne purent tirer aucune certitude sur l'origine des explosions. Les gens interrogés furent unanimes à déclarer que, un peu après 18h, la température était montée tout d'un coup d'une façon insolite. L'un des témoins raconta que, voulant ramasser un outil à terre, il en avait trouvé le métal plus brûlant que s'il fût resté exposé au soleil d'août toute une journée. Il dut le lâcher. La première explosion, racontait-on, avait été celle d'un gazomètre, et elle avait provoqué les autres. Du fait de cette explosion, et, ajoutait-on, par suite de la présence du rayon ardent, car on croyait avoir affaire à un rayon mystérieux, toutes les plantes étaient mortes sur une étendue de 5 km². Un nouveau marconigramme fut lancé, composé seulement de ces deux mots « Allemagne accepte ». Et le soir même, L'Allemagne, comme la France qu'elle avait insultée à propos de ce qu'elle appelait une lâcheté qui ne sera jamais dépassée, comme l'Italie qu'elle avait plainte plus ou moins secrètement, l'Allemagne payait sa rançon, 200 millions de marques, or, et les livrait, dans les mêmes conditions que la France et l'Italie avaient livré les leurs. Escander rentra à Paris. Il se borna à narrer, avec la couleur et le relief dont il avait le secret, les terribles événements dont il avait été le témoin, joignit les siennes aux hypothèses déjà émises, mais n'apporta pas plus de lumière que les autres sur le mystère qui terrifiait le monde et faisait vivre chacun dans l'angoisse.